C'est une blague. C'est toute cette histoire qui est une blague. Non, mais j'apprécie le geste. Vous défoncez la porte avec le pompe, vous shootez la vieille, puis vous vous planquez sous le tapis. C'est un placard, le bleu. Le bleu? De toute façon. Si j'avais pu prévoir qu'après lui avoir mis 12 trous dans le buffet, il lui en sortirait des bras, je me serais abstenu et enfui d'ici, le bleu. Je m'appelle Stevie. Y a pas de honte à être rookie, le bleu. Putain, mais trou de balle. De toute manière, t'es bien mignon de lui avoir planté une cuillère dans l'œil, mais maintenant qu'elle en a 9, ça nous avance à rien. Ok. Il vous reste combien de balles? 69, mais ce n'est pas le problème. Ben alors quoi? Elle a pris le fusil. Eh? Oui, elle a pris le fusil. Donc, si on résume, on a une sexagénaire octopode de 3m30 de diamètre à 9 yeux armée d'un space 12 qui déambule dans la cabane? Déconcertant, n'est-ce pas? On peut peut-être envisager de s'enfuir, non? Si tu as de quoi enlever la toile, moi je te suis. La toile? Regarde la porte d'entrée et unique sortie. Elle en a foutu partout. Oh putain, mais c'est sorti par où ça? Je sais pas d'où vous sortez vos doigts, mais c'est proprement dégueulasse. Faut vraiment que j'arrête de prendre les tics de mon boss, moi. C'est même pas mon modèle, c'est... Mon seul ami. De quoi? Ta gueule, Rookie. Bon, je ne te le cache pas, on est dans la merde. Il va falloir qu'on... Je disais, il va falloir qu'on la joue en équipe, toi et moi, si on veut s'en sortir. Il nous faut un plan pour lui faire la peau. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais tenir une caméra. Ah! Ouais, ouais, je sais, mais j'ai pas fini le lycée, hein. Non, mais attends, j'ai peut-être un truc. Tu l'as, ta caméra, là? Ouais, je l'ai récupérée dans ma fuite pour... Bon, ok, alors écoute-moi bien, le bleu. Tu vas monter ces escaliers. Tu vas lui brailler que tu n'as jamais vu une horreur comme elle et qu'une vidéo d'une femme mi-araignée ferait un carton sur YouTube. Moi, pendant ce temps-là, je me faufile derrière elle, je jette du sable dans 8 de ses 9 yeux et je mange le dernier. Pendant qu'elle cherchera à cacher la caméra de sa patte, alors à ce moment-là, tu partiras... Non, très clairement, non. Oui, tu as raison, c'est complètement con. Et où est-ce que je pourrais trouver du sable, moi? La cuisine. Quoi? Gisèle me faisait la cuisine quand elle me gardait captif. Elle doit avoir des ustensiles, ici. Super. Tu comptes lui lancer d'autres cuillères? Ben non, un couteau. Vous êtes sûr que vous êtes de la police, vous? Ferme ta gueule, le bleu, et écoute plutôt ça. Tu disais que Gisèle te gardait captif, donc elle t'a nourri. Et forcément, elle te faisait la cuisine. Par conséquent, elle doit avoir un couteau dans cette cabane. Ouais, super plan, j'adhère. Malheureusement, je ne pense pas qu'un couteau aura raison d'elle. Oh, putain, mais bah oui, mais avec le couteau, on coupe la toile de la porte. Stevie, je sais. On va couper la toile de la porte avec le couteau. Eh, hey. Hein? Alors... America! Ce n'est pas le moment, le bleu. En avant. Tu as une idée d'où se trouve la cuisine? Je sais pas, vous avez l'intention de m'arracher un bras si je vous le dis ou bien? Il n'y a qu'un bleu pour faire de l'humour dans une telle situation. Un peu de sérieux. De souvenir, la cuisine avait l'air d'être à côté de ma piole. C'est-à-dire là-haut. Merveilleux! Bon, et très bien. Allons-y! Vous attendez quoi? Les bleus d'abord, non? Vous semblez souffrir d'un complexe d'infériorité, vous. C'est toi qui viens de la pioule, c'est donc toi qui sais où elle est. Je te suis. Ok. Ok, alors on se la joue furtif. Une marche après l'autre. Pour sortir d'ici, il faut couper la toile avec un couteau. Cependant, le couteau est dans la cuisine. Et la cuisine à l'étage. Le premier qui monte l'escalier, je lui baisse la gueule. Mazette. Elle a compris notre plan. Oui, enfin plan, vous avez pas dessiné le dédale non plus. Tu dis ça parce que t'es en tête et que tu veux pas mourir, hein, le bleu? Justement, si on pouvait procéder à un repli stratégique... Pour aller où, le bleu? Non, tu écoutes ton supérieur et tu suis les ordres. En avant. Mais vous êtes pas mon supérieur. Bon, eh bien je vois qu'on est dans le déni. Très bien. Gisèle! Mais... On est là! Mais... Mais... Eh bien, c'est très simple, tu vas servir de diversion pendant que je vais chercher le couteau. Accroche-toi fort à la vie, et dès que j'ai coupé la toile, promis, je t'appelle. Espèce de gros bâtard! C'est pourquoi? Stevie veut mourir. Bisous! J'ouvre le tiroir. Je prends le couteau. Non, pas celui-là, non. Je n'aime pas les bourrons. Non plus. Salut, bonne vie. Oh, parfait. Tu t'en sors, Stevie? Impact, continue comme ça, change rien. Alors, toc-toc-toc. Alors, le couteau, comme ceci dans la toile, ça résiste. Ça risque de prendre un peu de temps, ça colle même. Stevie, si on considérait que je devais en avoir pour plusieurs minutes, tu estimerais tenir combien de temps? Stevie? Stevie? Ça finira comme une toile, et je te garderai précieusement jusqu'à l'hiver. Prends exemple sur ton ami. Ferme-la! Sautre les citadins! Vous n'avez pas conscience de nos problèmes à nous, les hurlons! Certains d'entre vous nous appellent même les bouilleurs! Les bouilleurs! Alors que nous faisons de l'élevage, cultivons des céréales et vous les bouffez! Mais bientôt vous allez comprendre! Si vous serez comme nous, vous n'avez aucune idée de ce que nous avons enduré, de ce que nous avons subi. Mais le mal se propagera par la farine et le maïs. Bientôt, vous entendrez aussi sa voix. Il nous est venu des sauts et il envahit notre corps. Il est en nous et nous ne pouvons déroger à ses ordres. Je vous garderai jusqu'à l'hiver. Vous serez des nôtres, ou vous nourrirez les nôtres. Et maintenant, alors que j'accroche vos cocons à cette poutre, et que je m'apprête à achever mon explication qui ne donne pourtant aucune information, je vous l'annonce. Aucun Deus Ex Machina ne saura interrompre mon monologue. C'est mon pomme. Pomme. Moi aussi j'en pleure de joie. Alors, assieds-toi, c'est très simple. Vois-tu, lorsque nous avons été séparés, j'ai su me défaire de mon assaillant. Cependant, la bataille ne fut pas sans perte. Choupette sacrifia sa noble existence au service d'une cause qui la dépasse. Ainsi, je décidai de rentrer faire mon rapport et de t'abandonner à ton triste sort. Ne me coupe pas, Pam. Je partais certes, mais il m'était insupportable de faire la route sans monture. Et c'est à cet instant que j'ai eu la chance de rencontrer Meringue. Oui, je sais, Meringue n'est pas une grenouille comme les autres. Du haut de ses 4m78, elle n'a pas à rougir face aux autres monstruosités de ce marais. D'autant plus qu'elle est belle et ne sent pas la vase. Mais c'est à cet instant, Pam, tu m'entends, c'est à cet instant, alors que mes mains se posèrent sur sa peau humide, que je compris mon véritable objectif en ces lieux. Non. Nous ne pouvons fermer les yeux, Pam. Nous devons aller au bout de cette enquête. Meringue est une victime de quelque chose qui nous dépasse, Big Daddy également, ainsi que Gisèle que nous avons écrasé prestement. Nous devons mettre le doigt sur le fin mot de l'histoire. Notre destin est de battre le cul de ces pouilleux. Es-tu avec moi, adjoint? Ah oui, excuse-moi. Tu vas nous botter le cul là. Tu n'as aucune idée de ce que nous pouvons faire. Et moi, je vais te tripper. Meringue? Ah bah. Bon, ça c'est fait. Il faut descendre maintenant, Pam. La récréation est finie. Et qui est ton ami? Je ne suis pas son ami. Superbe! Tu es policier? J'ai 17 ans. La connerie n'a pas d'âge, tu sais. C'est ce qu'on m'a dit aussi chez les CRS. J'ai pas ma carte au Rassemblement National, je fais pas partie du Scooby Gang, et maintenant je voudrais rentrer chez moi, s'il vous plaît. C'est un bleu, inspecteur. Nous allons devoir te former sur le terrain. Ça tombe bien, nous devons partir maintenant. Très bien, vous avez une idée d'où est-ce qu'il faut qu'on aille? Oui, chez Lucas Labarge. Il a récupéré sa tête. Je ne sais pas s'il est complètement à jour. Mais enfin, si le décompte est bon, il est le dernier vivant de la Smala. Il est donc logiquement le seul et unique antagoniste restant à pouvoir nous expliquer tout ce bordel. Vous avez une idée de comment je rentre chez moi? Tu sais le bleu, si tu veux partir vivant de ce marais, tu vas avoir besoin de notre aide. Et pour le moment, nous ne sommes pas disposés à partir. Cet adjoint a raison, petit ignare. Mais j'ai une idée. Si tu n'as pas encore embrassé la carrière policière, celle d'écuyer t'ira à merveille. Alors va, sceller Meringue. J'ai à parler avec mon adjoint. Sceller Mais avec quoi? Je ne sais pas, mais du scotch, ramasse de la base, mais démerde-toi pour que nous puissions tenir à trois. Un peu d'initiative, que diable! Tu es un fort mauvais écuyer pour le moment, attention! J'aimerais vraiment savoir ce que j'ai fait pour me coltiner de connard par pelleter de douze. Viens là, toi. Vous vouliez me parler, inspecteur? Alors non, ou alors j'ai oublié. Par contre, c'était vachement stylé la manière dont je l'ai congédié à sa basse besogne. Sinon, ça va, Pam? La ville des amours, le chien, le vélo? Je vais mourir, inspecteur. Ah, c'est sûr qu'avec un tel pessimisme, on est sûr de prendre les bons sentiers de l'aventure, hein? Ça me rappelle cette fois, d'ailleurs, où il y avait des gitans dans le stade de foot qui avaient élevé leur poule, d'ailleurs. Je suis infecté, inspecteur. Infecté? Vous avez parlé d'une chose présente dans le bayou. Qui rend géante les grenouilles, transforme les femmes en araignées, rend vivante la boue et provoque des envies cannibales chez les êtres humains. Je me rappelle pas du tout avoir dit ça, mais quel scénario de merde, Pam! Eh bah cette chose... Ouh, mauvais le film, hein? Zéro remboursé. Cette chose, on me l'a injecté. 0% sur Rotten Tomatoes, hein? N'importe quoi! Mais vous allez prendre les choses au sérieux deux secondes, bordel de merde! Oui, certes, je vois que ça te touche, donc je vais tâcher de faire un effort, Pam. Non mais est-ce que vous pouvez être con? On m'a injecté cette saloperie lorsque nous étions dans les vapes. Une fille m'a promis un antidote si je lui rapportais les éléments présents sur cette liste. Bon. Alors voyons. Tête de monstre Z, bras de Z. Pas, je ne comprends pas, Peu importe. Un des ingrédients se trouve chez Lucas. Cette destination me convient donc. D'accord, mais que faisais-tu ici alors? Eh bien, je venais chercher une clé. Une clé scorpion, c'est... Oh putain. Oh non. Oh merde, non! Je devais utiliser le poids de la lampe torche de Gisèle sur ce balancier pour ouvrir cette porte derrière laquelle se trouve la clé scorpion. C'est foutu maintenant que Meringue a mangé Gisèle. Comment avez-vous fait? Vois-tu, dans ma jeunesse pour tuer le temps, je me suis beaucoup entraîné à imiter le poids d'une lampe torche en faisant pression avec mon index sur une balance. Utile, n'est-ce pas? J'imagine que je dois vous remercier. Tu le feras lorsque la tête du félon Lucas pendra à la selle de ma magnifique meringue. En avant, Pam! Rejoignons mon écuyer. Tu t'en sors? Comment s'appelle-t-il déjà? Stevie. Tu t'en sors, sous-fifre? Votre monture est prête. Comment as-tu fait ces selles? Superbe finition! Ouais. Oh, vous savez, avec un peu de sel, de poivre et une laitue, on peut faire des miracles. Ah ouais? Je me disais que le verre, c'était de la laitue. Ah ouais. T'aurais pas envie d'inventer un antidote par hasard? Un anti-quoi? Je suis pas raciste, moi. Peu importe. Messieurs, il est l'heure de sautiller vers notre but. En selle! Oui, Baburak. Oh oui, c'est toi la plus belle. Hein. Oh non, manger une grosse araignée, hein? Ou gousou gousou. Oui, c'est bien. Oh, une dernière chose, gentlemen. Ma monture est une monture de qualité. Veuillez donc vous parer d'un style vestimentaire qui lui est dû. Mettez ses rebats. Parfait! Alors, ma belle meringue, grenouillons. Jusqu'à l'ennemi! Les résidents et Ville Pouilleux, épisode 5. Meringue, oh oui, la belle meringue, oh tu m'appelles meringue, hein. Gouzou gouzou la meringue, bisous meringue.